Donc voilà, c'était Eminem avec Wayward Me. Donc maintenant, on va déjà commencer avec les chroniques. Et donc là, on va vous parler de deux livres. Donc le premier, c'est le livre Méduse, le mauvais œil. Donc un livre d'Anne Vantal, donc, qui est un très très bon livre. Ça raconte l'histoire de la Méduse. Je vais vous lire le synopsis tout de suite. L'homme regarde la Méduse droit dans les yeux. Immédiatement, son corps tressaille, puis il s'immobilise. Comme une statue, son regard devient fixe. Encore quelques secondes et au pied de la gorgone ravie, il s'affale sans vie, pétrifié. Donc franchement, c'est un livre super bien. Ça raconte l'histoire de la Méduse, la mythologie grecque. Donc en plus, Scream et moi qui sommes grands fans de la mythologie grecque, ça nous a bien plu ce petit livre. Donc c'est de chez Nathan, donc encore merci à Nathan. Donc c'est un livre qui est au coût de 5,60€. Donc encore merci à eux. Donc sur ce livre, déjà l'illustration est super bien foutue de la gorgogne. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il y a quelques petits dessins, mais vraiment pas beaucoup. Si c'est petits dessins, 2 ou 3, j'aurais quand même bien aimé plus de dessins. Mais en tout cas, c'est un très très bon livre donc de la collection Histoire Noire de la Mythologie. Et c'est le 27e du nom. Donc là, on va passer au suivant, c'est Le Voyage de Christophe Colomb. Ben voilà, on va parler d'histoire aujourd'hui. Donc Le Voyage de Christophe Colomb par Hélène Monta. Donc c'est de la collection Petite Histoire de l'Histoire, donc de chez Nathan. 1408, sur la plage du Portugal, le marin Christophe Colomb est intrigué par des morceaux de bois rejetés par la mer. Il n'en a jamais vu des pareils. D'où viennent-ils? Et si, derrière l'horizon, de l'autre côté de la mer, océane, se cachait-il une autre terre? Serait-il les Indes? Eh ben, Christophe va monter une très très grande aventure, expédition, pour voir ceci. C'est un super bon livre, avec de très très belles illustrations. Donc c'est illustré par Glenn Charpon. Donc dans ces livres-là, vous pouvez aussi y retrouver la prise de la Bastille, Cocorico, et la catastrophe de Pompéi, qui a l'air d'être super bien. Donc c'est un livre au coût de 4,95€. Donc franchement, c'est vraiment bien. Les illustrations sont super bien foutues. Les textes sont super bien tournés pour les gosses et tout. C'est vraiment super bien fait. Je vous les conseille. Donc Le Voyage de Christophe Colomb par Hélène Montarde et Méduse, le mauvais œil par Anne Vandal. Donc voilà, c'était les deux petites chroniques de livres. Et donc là, nous allons faire une petite pause musicale. Mais avant tout, vous pouvez tout retrouver sur la page Facebook. Et donc vous avez Scream à la technique et le slasher au choco. Donc on va s'écouter Max Sample avec House Inspector. Relax, I'll get it. This is Chief Inspector Clouseau's residence. This is Chief Inspector Clouseau speaking on the phone. Chief Inspector Clouseau speaking on the phone. The phone. Goodbye. Donc c'était Max Sample avec Inspecteur Clouseau, donc c'était de la New Beat de 1988. Donc vous devez vous douter, c'est quand même assez vieux, il y avait déjà des smileys sur la pochette, ne vous dites pas ce que c'est l'invention de Facebook ou quoi. Donc c'était House Inspector. Donc là on va parler un peu de technologie et on va vous présenter un micro que je vous conseille super bien, c'est le Bird UMA. Donc précédemment, il y a quelques émissions avant, je vous avais présenté le Rode VideoMic Go, mais qui est un micro pour caméra. Et là c'est tout simplement un micro de table comme dans celui que je parle un peu pour faire radiophonique. Donc c'est un micro déjà très peu cher pour une qualité extrême qu'il a. Il est au prix, ça dépend, parfois il est à 50, parfois 60, parfois 80€. Là en ce moment il est à 80€. Et donc c'est un micro statique à électré, diagramme 34mm, directivité cardioïde, sensibilité moins 37dB, plus ou moins 2dB. Il a une réponse en fréquence de 20Hz à 20kHz, donc c'est une impendance de 20 ohms, donc c'est quand même un de la très très bonne qualité pour ce micro. Donc c'est tout simplement quoi ? Bah c'est le Bird UM1. Il y a aussi son frère le Bird UM2, mais le Bird UM1 est quand même de meilleure qualité. Donc quand vous prenez le micro, vous avez votre petit micro, voilà, à brancher directement en USB, vous n'avez pas besoin de carte son ni rien, c'est vraiment tout en un. Donc vous avez le micro, après vous avez fourni une araignée, un shock mouth, ça sert à quoi ? Donc par exemple si vous tapez sur la table, là je vais pas le faire, mais si vous tapez sur la table, le micro va pas capter les chocs vu que ça va tout être pris dans les élastiques qu'il y a autour. Vous avez bien sûr un petit adaptateur pour mettre sur les trépieds de micro. Par contre, ce qu'il faudra investir, c'est un filtre anti-pop. Tout simplement, pourquoi quand vous faites les bruits bup, p, ou F, bah tout simplement le micro va, si je puis dire, un peu augmenter le gain, ça va obstruer le son. Donc franchement c'est un micro que je vous conseille super bien pour tous les débutants ou même les professionnels tout simplement. Donc comment utiliser ce micro? Vous mettez votre micro, par contre pas le tenir à la main sinon on entendra quand même les petits chocs sur le bout du métal. Donc comment ça marche? Vous le mettez sur votre petit trépied, vous mettez le câble USB, vous le branchez et c'est bon. Il n'y a plus du tout rien à faire par quelques réglages si vous voulez faire les réglages du gain, etc. etc. Donc franchement je vous le conseille, c'est le petit Bird UM1 et encore merci au tavernier pour ceci, merci Para. Donc là on va s'écouter un titre qui m'a franchement impressionné. Donc vous connaissez Rag & Bone Man, non ce n'est pas le personnage inspiré de la série télévisé que justement cette personne s'est inspirée. Non, pas du tout, là c'est le titre Lay Me Body Down. Franchement, elle m'a impressionné, un album de un peu plus de 18 titres. C'est vraiment pas comme ce qu'on pense, c'est vraiment super bien. Donc allez, Rag & Bone Man, Lay Me Body Down. I'm in trouble, and all I'm gasping for is one last breath of hope to heal the hearts I broke. I'm in trouble, I'm in trouble when you lay my body down, when you throw me in the ground. Don't be sorry when you lay when you throw me in the ground. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear for me. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear for me. Turn your heart to the trail of souls behind me. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear for me. All the fearful eyes stay burned up on my mind. The gift they left behind, all my troubles, all my troubles. Still their final words ring louder than my thoughts. Lay heavy as a curse. I'm in trouble, I'm in trouble. Save your prayers, don't shed a tear, don't shed a tear. donc c'était Rag & Bone Man avec Lay My Body Down, donc un excellent titre de lui tout simplement avec son nouvel album qui s'intitule Human. Donc là je vous ai parlé du beurre du hamin, vous pourrez retrouver la chronique sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube. Et donc là on va passer à la chronique habituelle de la semaine, les Funko Pop. Donc là j'ai décidé de vous parler de deux pop. Là on va déjà commencer avec HVC Veldit, pourquoi ? Parce que la saison 2 va bientôt être là, on va bientôt la recevoir. Donc là j'ai décidé de vous parler du personnage principal, Ash. Il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul Ash, il y a aussi Ash de la Army of the Darkness qui est super beau aussi, mais j'ai ma petite préférence quand même pour Ash de HVC Veldit, il est mieux fait quoi. Donc sur le devant de la boîte on voit le petit croquis de Ash, le pop derrière son cellophane. Au-dessus, on voit le logo HVC Veldit, donc c'est le 395e des Pop Television. Sur le côté, on voit la figurine de H en croquis derrière la jaquette promotionnelle, donc qui est la voiture dans les bois. Sur l'autre côté, on voit l'écriture H, et derrière, on voit toute la collection. Donc on a notamment Pablo, Kelly déjà qui est une Volted, donc c'est quoi une Volted? C'est tout simplement que la production... elle était arrêtée, ils ont cassé le moule, donc j'ai envie de vous dire, même si le Pop Kelly n'a pas vraiment de valeur comme ça, ça va quand même être très très très très dur de le trouver. Je vais vous prendre un exemple, c'est comme les Walking Dead, ils ont une valeur de 19€, mais on n'en trouve plus aucun et les gens les revendent 2 à 3 fois plus cher. Vous avez qu'à voir sur les grands sites de vente, ils sont au moins à 50 ou 100€, donc c'est pour vous dire. Donc le pop, comment se compose-t-il? On voit la petite bouille de H, une bouille déjà très marrante vu que il a quand même un humour assez salace dans la série. H, le petit Bruce Campbell. On voit sa petite cicatrice en dessous de son œil droit qui s'est faite justement dans la série. Au-dessus, on voit ses cheveux donc qui commencent à grisonner au fil du temps. C'est pas comme dans le premier Evil Dead qui est super bien, franchement génial. Par contre, c'est sûr, ça fait un peu moins peur que le premier Evil Dead. Cette série est plus là pour le fun, je dirais. Plus pour le fun, les démons sont super bien faits dans cette série. Moi, je vais vous lire un petit peu le synopsis. Ash, il était carvé des quatre pattes, encore une fois. Hein. Ça m'étonne pas de lui. Et il a fait une boulette, il a relu le Necronomicon tout en fumant du shit. Donc voilà, je vous laisse ce qui va arriver plus tard. Et donc, il va s'allier avec son ami Pablo, qui travaille dans le même magasin que lui. On voit aussi sa petite chemise bleue avec sa ceinture derrière pour mettre son petit fusil qui est super bien représenté, mais il n'est pas derrière lui, il est à sa main le fusil. Il y en a, j'ai envie de dire, l'arme authentique de H, bah, c'est la petite tronçonneuse à essence qu'il a sur le bras. Donc en plus dans la série, un petit passage qui m'a fait rire, c'est quand il y avait la vieille femme démon et qui n'arrivait pas à allumer sa tronçonneuse, c'était quand même assez marrant. Donc peut-être prochainement, je vais vous présenter d'autres pop de HVC Veldit. Et donc là, on va vous présenter Retour vers le futur, hein. Ah là là, on va vous... Donc là, on va, avant de vous présenter Retour vers le futur, voilà, je vous ai teasé. Maintenant, on va faire une petite pause musicale avec Pat Crimson avec Taboo Bells. We'll be right back. C'était Pat Crimson avec Taboo Bells. Donc là, je vous avais déjà teasé avec le pop, mais là, je vous fais encore plus l'eau à la bouche. Et donc là, on va regarder une petite chronique de film, enfin s'écouter plutôt. Excusez-moi, c'est La Momie donc de 2017. Donc je vous dis déjà, rien à voir avec l'ancienne version de La Momie. Donc je vais vous lire tout de suite le synopsis. Bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'une insondable désert, donc un désert franchement très très protégé, une princesse de l'ancienne Égypte dont le destin lui était injustement ravi revient à la vie et va déverser une rage sur toute une ville et dans le monde entier. Donc que va-t-il se passer? Tout simplement, il y a notre petit personnage Mick Morton qui va tout simplement, c'est un, on va dire, trafiquant d'art, si on peut dire, comme il dit dans le film, je suis un libérateur d'art. Donc voilà, et en fait, sans faire exprès, il a réveillé tout simplement un ancien démon d'Égypte, enfin si on peut dire démon, une princesse d'Égypte qui a fait un petit pacte tout mignon, tout gentil, avec Satan, le diable, voilà. Et donc, en réalisateur, il y a Alex Kurtzman, une histoire originale de John Spates, Alex Kurtzman et Jenny Lumet, un scénario de David Coeb, Christopher McCary, Dylan Kussman, une production de Sarah Bradshaw, donc avec Tom Cruise, avec le personnage de Nick Morton, fatalement le personnage principal, Russell Crowe, donc qui est Monsieur Hyde et Jekyll, je vais pas vous spoiler, mais vous avez déjà tout compris, Annabelle Wallis, Sophia Boutla, Jake Hansen, et Courtney B. Vance. Donc franchement, à manette, elle est quand même jolie, à manette, bah, qui est tout simplement la momie. Voilà. C'est une musique de Brian Tyler, une très très bonne musique. Une photographie, alors là, j'applaudis des deux mains, franchement, un gros bravo. Les plans de Amanette avant, donc qui raconte l'histoire avant, sont super bien foutus dans l'Égypte quand elle est en train de faire son petit sport. Donc la photographie de Ben Sirens, le montage de Gina Hirsch et Paul Hirsch et de Andrew Manson. Les décors sont de John Huntman et Dominique Wankins et les effets visuels sont de Azergado Arundi. Donc s'il y a une partie qui a été tournée en Égypte et une autre à Londres, donc c'est quand même de très très beaux décors. Et en plus, il y a une scène dans le petit musée d'histoire naturelle de Londres. Et là en plus, si je sais pas si vous le savez, ils ont sorti les pop de la momie. Mais aïe aïe aïe, là par contre c'est quand même parti un petit peu en cacahuète. Donc ils ont sorti à manette, tout va bien. Hein. Mais ils ont sorti aussi Nick Morton. Mais maintenant Nick Morton, vous pourrez courir pour l'avoir. Pourquoi ? Parce que quand ils ont sorti Nick Morton, quand Funko a sorti le personnage Nick Morton, donc qui est Tom Cruise, Monsieur Cruise a dit « Je n'ai pas signé, donc je veux que vous détruisiez tout ça, qu'il n'y ait plus aucune trace, ou sinon je vous poursuis en justice. » Donc maintenant, il y a quelques pop que des gens ont su avoir, mais quand même, là, ils valent entre 500 et 600 euros parce qu'ils ont tous été brûlés, hein, il n'y en a plus du tout. Les seuls dispos, c'est Amanette momie et Amanette égyptienne. Donc encore merci à Universal pour le Blu-ray. Donc on va se faire une petite pause musicale avec Beck Lawther. Donc c'était Beck avec Loser. Donc là on va vous parler de Cinema Forever et sa programmation. Donc là il y a David Gilmour en concert à Pompéi. Et ben tiens, tout se relie. Je vous ai parlé que dans la collection de Les Petites Histoires de l'Histoire, ben, y avait la catastrophe à Pompéi. Et ben là il y a Monsieur David Gilmour, donc guitariste de Pink Floyd, hein. Et il a fait un petit live à Pompéi qui a l'air d'être vraiment super bien, un live de 2 heures, donc c'est quand même assez long et bien rempli. Il y a Les Grands Esprits de 1h46, Mother, un nouveau film d'horreur, mais il a l'air de pas trop m'attirer, donc de 1h55, Barry Seal, American Traffic, avec Monsieur Tom Cruise, qui est trafiquant de drogue, donc de 1h55, ça, qui fait phénomène, franchement, j'ai vraiment envie de le voir, parce que déjà, hier sur la table, je suis tombé sur la photo du fameux Pennywise énervé, donc dans l'ancienne version, tout le monde l'a vu, vous avez où il va dans la douche, je crois, où il fait une tête bizarre, où il lève sa tête, où il laisse apparaître ses dents. Bah, j'ai vu celle du nouveau film, elle est 10 fois plus hardcore que celle-là, une petite photo, mais ça ne spoil rien du tout, mais je suis impatient d'aller les voir, d'une durée de 2h15. Ôtez-moi d'un doute, d'une durée de 1h40. Seven Sisters, d'une durée de 2h10. Hitman et Bodyguard, d'une durée de 1h58. Les As de la Jungle, d'une durée de 1h37. Le Monde Secret des Emojis, qui dure 1h26. Annabelle, la création du mal, 1h49. Baby Driver, 1h53. Spider-Man Homecoming, 2h14. Moi, Moche et Méchant 3, 1h30. Et Cars 3, 1h49. Donc là, on va faire une petite pause musicale avec Bloodhound Gang, avec The Bad Touch. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Getting horny now. Donc c'était Blue Hood Gang avec The Bad Touch. Donc maintenant on va tout de suite passer à la creepy pasta de la semaine. Ouh. Et aujourd'hui on va s'écouter le texte maudit. Dans les creepy pasta, il y a des textes qui peuvent vous perturber psychologiquement comme celui-là. Il y a un texte qu'il faut jamais lire, un texte maudit qui aurait causé la mort à ceux qui l'ont lu. Ce texte se nomme Shaker Spake. La légende dit qu'après avoir lu ce texte, une créature apparaîtrait et tuerait le malheureux humain qui l'a lu. Cette créature possède 6 bras, mais pas attachés comme les nôtres. Ils sont incrustés dans la peau. Son visage n'a ni cheveux ni nez. Il a juste des yeux brillants dans le noir. Prêt à tuer l'humain qui l'a lu ce texte maudit. Il n'a pas de jambes, elles sont sur son ventre. Il y a une grande bouche avec des dents acérées qui mangerait sa victime après l'avoir tuée. Cette créature se nomme le Moodle et elle s'accroche sur le plafond pour sauter sur sa victime et le démembrer sauvagement. Avant de terminer mon récit, j'aimerais vous dire quelque chose. Le texte Shepherd Speck, celui que vous lisez à l'instant, ne vous retournez pas. Donc voilà, c'était la petite creepypasta de la semaine. Donc voilà, je vous ai infligé un sort. Donc voilà, pourquoi pas, mais ne vous tracassez pas, c'est de la fiction, hein, une creepypasta. C'est une histoire qui a été inventée par des internautes et donc du coup, qui après des gens qui y croient ou qui y croient pas. Mais c'est quand même tout de même inventé par l'humain. Donc on va se faire une petite pause musicale avec Code 61 avec Drop the Deal. Ladies and gentlemen, again, we repeat, Tico Areola has been struck with a pelota. We'll have a full report in just a moment. Please remain in your seats. Please remain in your seats. Please remain in your seats. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Bonne nuit. one of my employees is bad for business, so I thought I'd better come in. I'd like to have something done about it. Now, I've talked it over with my girls, and they don't seem to know anything. So you don't mind if we speak to them? No, of course not. I've given the lieutenant here their names and addresses. Did Jen Larkin have any regulars? Well, not that I'm aware of. C'était Cold 61 avec Drop the Deal, une très très bonne chanson. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Touche à tout et sur la chaîne YouTube du même nom, donc Touche à tout. Donc là, je vous avais teasé, donc là ça y est, on y est, on est à la chronique pop. Et donc là j'ai décidé de vous parler de Retour vers le futur 1, et donc avec Dr. Emmett Brown. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs séries de Retour vers le futur, il y a Retour vers le futur 1 et le 2 qu'ils ont sorti en pop. Donc même le 3. Donc alors là, un petit Dr. Emmett Brown, le premier qu'ils ont fait, donc fatalement pas des détails de ouf dessus, enfin pas super bien réalisé, mais c'est normal, hein, quand on crée, c'était il y a plusieurs années, on sent quand même le changement entre un Joey Ramon et un Dr. Emmett Brown. Donc on voit tout simplement ces petites lunettes, dommage qu'elles n'étaient pas opaques, mais sur l'autre version de Dr. Emmett Brown, avec son électricité, les lunettes sont opaques. Donc on a ces petits yeux tout ronds, tout noirs, comme l'habitude des pop, ces petits cheveux qui font vraiment une texture peinture lurée sur ce pop là, le visage qui est très très rosé comparé à sur la boîte qu'ils indiquaient qui était blanc, son petit costume avec sa petite ceinture avec le marteau, le tournevis, la fameuse télécommande de la DeLorean, ses petites bottes en métal. Et donc franchement, vraiment un super beau pop. Donc dans cette série, vous avez Marty McFly normal avec son K-Way normal. Mais moi, celui-là, on l'a pas. On a juste Marty McFly de Retour vers le futur 2 avec son overboard. Et celui-là, ce Marty McFly est déjà assez coté dans le Pop Price Guide. Il est à peu près à 27$, mais c'était une exclusivité aussi. Donc sur le devant de la boîte, bon, on voit le croquis du Dr. Emmett Brown avec derrière le pop. Sur l'autre côté, on voit les petites flammes de Retour vers le futur que la DeLorean a laissé avec Dr. Emmett Brown devant. Sur l'autre côté, on voit l'écriture Dr. Emmett Brown. Et derrière, on voit ce qu'il y a dans la série des pop. Et aussi le Pop Ride Death. Donc c'est quoi? C'est comme le Daryl Exa Chopper que je vous avais présenté. Bah, c'est qu'il y a le véhicule avec. Et j'ai vu tout simplement un Marty McFly avec sa DeLorean. Il est très très beau celui-là. Franchement, très très sympathique. Donc là, on va faire une petite pause musicale avec R.E.M. Losing My Religion. Avec... Ah non, non, non, non. Helmut Fritz, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. J'entre au coste boire un verre, mais la serveuse me pompe l'air. J'ai pas la réservation, je ressors, j'ai l'air d'un con. Ça m'énerve. ça m'énerve. J'ai un cadeau à faire de chez Zadig et Voltaire. Le pull où c'est marqué rock, mais y'a la rupture de stock. J'arrive sur mon Vespa, on me dit tu rentres pas, mais ça m'énerve. J'entre chez Weston, une blondasse au téléphone me dit: je peux vous aider? Non, je vous ai pas sonné, elle m'énerve. Mon Dieu, elle m'énerve. J'ai bu le mojito au milliardaire. Dans le carré, j'ai tout vomi par terre. J'ai perdu mon ticket pour le vestiaire. Je trouve pas de taxi. Tous ces gens qui font la queue chez la durée, tout ça pour des macarons. Mais bon, il paraît qu'ils sont bons. Ça m'énerve. Toutes celles qui dansent sur le dance floor comme des princesses. Ça m'énerve. Si t'as la black card, et ben tu verras leur pièce. Ça m'énerve. Donc c'était Helmut Fried avec Ça m'énerve, hein, bah que des souvenirs ça. Comme ce que je me disais, t'es en train de courir dans le salon comme un connard. Merci. Donc là, on va faire la dernière chronique de film avant de clôturer cette émission. Donc on va vous parler d'une série déjantée, ben pourquoi pas. On s'écoutait une chanson déjantée avant de passer encore au déjanté pour clôturer. Et donc là, c'est Brooklyn Nine-Nine saison 4. Alors là, impatient d'avoir une saison 5, même si ça tourne qu'autour du débile, de la connerie. Donc synopsis. Avec un mariage au sein du commissariat, le pillage annuel d'Halloween et le comeback le plus hilarant du voleur de Pontiac, cette saison voit même Jake sortir le grand jeu pour impressionner Amy. Donc là, cette série, ben, Brooklyn Nine-Nine, je vous conseille. On a regardé toutes les saisons et c'est de plus en plus débile. Entre Hitchcock et Scully qui font une bataille de mayonnaise en plein commissariat. Imaginez, vous allez, je sais pas, au commissariat pour dire, voilà, on m'a tapé ma bagnole. Et à côté, vous voyez derrière la vitre des flics qui sont en train de se battre à la mayonnaise. Pourquoi pas, ça peut se laisser tenter. Ou par exemple, un petit coffre rose au milieu du commissariat. Et tu dois trouver la clé et ouvrir le coffre impérativement. Donc c'est ça, Brooklyn Nine-Nine, des conneries, une affaire par épisode. Donc c'est franchement super bien, par contre c'est quand même un petit peu répétitif. Bon, je vais pas vous spoiler, ah on va te virer, ah bah non on va pas te virer, c'est comme ça pendant plusieurs épisodes. La même histoire, c'est un peu saoulant, mais en fait ça ne te saoule pas, car il y a de plus en plus de conneries qui te font rire. C'est pas une série à prendre au sérieux, tu regardes pas NCIS en disant... ah bah je vais rigoler, hein. Non, tu regardes NCIS sérieux et ça tu regardes quand t'as envie de te lâcher. Donc une histoire originale, ben oui, ça a quand même lieu d'avoir une histoire originale de Daniel G. Gore, Mike Shull, qui sont les créateurs de la série. Donc avec Andy Samberg, Stéphane Bertrit, Terry Crews, Melissa Furamo, Joe Lo Trujillo, lui qui me fait super rire. Maintenant, il a Nicolas, mais non, il déteste qu'on dit Nicolas, c'est Nicolas, je. Voilà. Il y a Chesla Peretti, et donc c'est une musique de Dan Marocco, quand même, une superbe bonne musique que j'adore pour le générique. Donc ça vient des USA. Donc bah là tout simplement on va se laisser, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle de Touche à Tout. Donc la semaine prochaine j'ai émission, mais la semaine d'après vous pourrez retrouver La Frégate, donc n'hésitez pas à écouter aussi. Donc on va se quitter avec R.E.M. avec Losing My Religion. Bon allez, ciao. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est Touche à Tout. Touche à Tout. Just a dream. That was just a dream.